89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Sébastien Viertin se fera messager de l'actualité internationale dans son bulletin Viertin. Et Internet se fera masser par Katia Côté dans la chronique Google Club. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 27 janvier 2016, 90 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Les yeux dans les airs, tout te fait mal, hein? Oui, tu sais, là, l'espèce de petit nerf dans le coude. Je viens de me le fracasser assez durement sur la table parfaite. Du studio. La nouvelle table du studio, on l'a changé, c'était à la fin de l'année 2015, en tout cas, bref, récemment. Et les coins sont très, très coupants. Donc, on dirait qu'ils sont encore plus aptes à se faire frapper par un membre du corps. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord. Bref, bonjour, Tania. Hey, bon matin! Oui, hey, c'est notre chanson thème de Vanessa Parietta en version performance acoustique live que commence l'émission d'aujourd'hui. On a plein d'autres nouveautés pendant le mois de janvier. À date, on a eu quoi? Jimmy Thibodeau, on a eu la nouvelle chronique de Samuel Girard. Aujourd'hui, Cathy F. Côté fait sa première chronique toute seule. Ben oui, parce qu'elle remplace Frédéric. Juste pour une fois de temps en temps. Oui, une fois de temps en temps encore. Fred est trop fatigué. Voilà. Donc, il reste plein d'autres nouveautés, mais probablement que ça va dépasser après le mois de janvier. On n'est pas capable de se contenir dans un seul mois. Il reste pas grand. Je pense que c'est l'avant-dernière émission du mois. Ben oui, demain la dernière. Mm-hmm. Bref, aujourd'hui à l'émission, Tania, on va avoir à 8h Sébastien Viertin et la chronique Bulletin Viertin. Donc, on va parler d'actualité internationale, mais des actualités que vous avez entendues, mais qui ne sont pas assez vulgarisées pour vous. Oui. On fait comprendre des grands dossiers. Donc, ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, on va recevoir Mélina du Carnaval étudiant 2016 pour parler des activités de la journée, faire un petit retour sur hier. La journée humour, le show d'humour est passé, le show de musique est passé, mais il reste encore d'autres activités assez le fun. Oui, tout à fait. Donc, on a hâte de savoir c'est quoi. C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi, mystère. C'est quoi? Ensuite, après 8h30, un petit peu après 8h30, on va avoir Cathy F. Côté pour la collègue Google Globe. On l'a dit, elle remplace Frédéric Bernard lorsqu'il se sent pas apte à faire sa chronique. À faire sa chronique. Voilà. Et si on a le temps à la fin de l'émission, on achètera des gadgets, mais c'est rare qu'on se rend jusqu'à là. Ouais. Bref, c'est le plan d'aujourd'hui. Commençons en musique avec une nouvelle pièce, d'une nouvelle formation. Moi, j'avais jamais entendu parler d'eux jusqu'à moi hier. Moi non plus. En fait, j'avais déjà entendu le nom. Ça me fascinait. Je savais pas ce que ça voulait. Pourquoi est-ce que Ben s'appellerait Popière? C'est vrai, hein? Découvrons-les. Découvrons-les. Avec juste quelques heures de retard. Il est 7h30, puis leur pièce s'appelle 5h. Oh, c'est quelques heures. Deux heures. C'est l'heure que c'était devé, ça. Ouais. 5 heures. Ces paupières sont lourdes. Tout à fait. Allez, c'est un assemblage. Justement, il pleure. Papierre! 5 heures, c'était un, je pense que c'est 5 un heures. Des... 5 heures. C'est 5 un heures. Des go Vatican, ça, le papillère. Papillère, c'est peut-être pour ça. Un premier. C'est pas paupière, c'est papillère. Papillère. C'est le nouveau papé. C'est en latin, quand on qu'est-ce que c'est ça. Ah, je m'excuse. T'en connais plein de choses. Oui. Et tu nous distribues ça comme si c'était des mots d'amour à la Saint-Valentin à l'avance. Tout le temps, hein? Du moins j'essaie. C'est ça, donc voici Tania Escona. Entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania! And she's gonna entertain! C'est Tania. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La voix varie de jour en jour. Ouais, j'ai comme mal ça, à la ça dépend gomme, du niveau de fatigue et de l'état de ma gorge, en fait. Ça ne va pas bien. Pas mal juste ça. Donc, Tania, un sujet divers et différent à chaque fois. Tout de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ce matin, on va parler d'auteurs. Ah, crime, moins... j'ai la phobie de ça, là, la phobie des auteurs, là, hein? Oui, mais pas les auteurs en auteurs, c'est les auteurs. Non, parce que sinon, j'aurais pas fait la liaison, parce que tu peux pas en faire avec eux, j'aurais dit la folie des auteurs. J'ai dit la folie des auteurs, c'est un jeu de mots qu'auteur, les livres, hein? Ouais, ça paraît-tu? Ouais. Je suis fatigué, je suis... Ouais, bon, OK. Peut-être que j'ai mal fait ma liaison, moi aussi. Non, mais non, en théorie, elle était correcte. T'es irréprochable. OK, c'est bon. C'est bon, Pascal. J'ai utilisé le même mot avec Sébastien Evgartin hier. Ah ouais, c'est vrai. OK. Là, je tiens à avertir, tout le monde peut intervenir quand ils veulent, c'est comme vous voulez. OK, on parce va que dire... Parce qu'on doit le dire, ouais, on n'est pas tout seul en studio présentement, public, non? Sébastien Evgartin est arrivé à l'avance, donc bonjour à toi. Bonsoir. Bonsoir. On voit que Seb était à la chasse-galerie hier, c'est pas encore couché. C'est qu'il est tellement de bonheur que pour lui, c'est la fin de la nuit c'est d'hier. Ça, c'est ça, exactement. Non, c'est parce que, en fait, c'est parce que je me couche tellement tôt que moi, on est encore avant hier pour moi. Non, c'est pour ça. C'est bon. T'as comme un décalage horaire en tout temps. T'es tout le temps ces gravages, je sais pas quoi. Ouais. Exactement. Mmh. Exactement. Mon esprit voyage à des endroits. Ça, c'est pas vrai tantôt. Ce matin, en fait, je vais vous faire découvrir comme trois auteurs, peut-être que vous connaissez, parce que certains, on les connaît déjà, mais est-ce qu'on les connaît vraiment comme auteurs? Ah, ça, c'est une autre question. Ouais. Et je dirais que la question m'est venue, en fait, parce que tout le monde sur Internet semble pouvoir se qualifier d'auteur maintenant. OK. Je trouve que, tu sais, on voit plusieurs blogs, on voit plusieurs chroniques, que ce soit écrites ou peu importe. Même sur Twitter, les gens sont... Oui! C'est vrai que les gens qui font des chroniques d'opinion, là, surtout dans les journaux ouais, étudiants, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de bon sens, tout le monde. L'ancien éditorialiste. C'est oui, ça. Il y avait, il y a une certaine époque, c'est-à-dire la session dernière, il y avait vraiment de la qualité là-dedans. Non, c'est pas vrai. Il y a un mois et demi. C'était ça, Lucas! Lucas qui se part sur des pastiches, des parodies dès le départ. Là. Hey, attends que ton public soit habitué à toi. Là. Voyons, ouais, hey, quand même. Là. Sachez que le premier auteur que je vais vous présenter, il est anglais, donc il est anglais, il est américain, mais ce qu'il fait, ses œuvres sont en anglais. Anglophone. Donc si jamais vous parlez pas ou lisez pas l'anglais, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour vous d'aller voir. Mais vous allez voir, c'est un petit peu, c'est quand même assez facile à lire. Il y a pas de grands mots difficiles parce que ça joue beaucoup dans la poésie. Mm-hmm. Alors en fait, qui je vous présente, c'est R.M. Drake. Qui est R.M. Drake? Il n'y a pas de hotshot bling là-dedans, hein, pis tout ça. Là. Il lance pas du. Il est pas en train de danser avec son petit jacket. Non, ça c'est Drake. Ça, c'est Drake. Là, je te parle de R.M. Drake. Ok, excuse-moi. Drake, ça c'est le rappeur qui était dans Degrassi. Exactement. Hein. C'est ça, ouais. Ok, c'est beau. Ouais. C'est ça, c'est bien lui. Faut être sûr de pas mêler les gens. C'est ça, parce que ça serait gênant de dire que quelqu'un était dans Degrassi alors qu'il l'était pas. C'est ça. Exact. Et tu sais, c'est le carnaval, les gens sont sous, ils écoutent un matin, ils sont persuadés que c'est Drake. C'est ça, exactement. Okay. Non, on parle bien de R.M. Okay. Drake. Donc, qui est R.M. Drake? C'est en fait Robert Marshas. Et qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie? Eh bien, avant de faire ce fameux petit. Ce livre, parce que je vais en venir là, il était tout simplement directeur d'un programme de télévision à Miami. Donc, il vient de Miami, en Floride, et il tournait autour de cet univers-là d'être quand même assez publicisé et populaire. Mais un jour, il a quand même décidé de commencer à écrire à la main, donc sur une dactylo et aussi à la main sur papier, et de faire des photos de ça et de les poster sur Instagram. OK. Des photos de, de ses textes. Des photos de ses textes, okay. Tout simplement. Et c'est comme ça que ça a commencé. On doit savoir qu'il y a 1 million d'abonnés sur Instagram, mm-hmm. 16 000 abonnés sur Twitter, 19 985 abonnés sur Facebook. Et c'est vraiment comme ça qu'il a commencé à en fait, avoir la piqûre et à continuer à poster ses textes de façon photogénique, là, mettons. Photogénique. OK. Ben, il y a comme une... son papier. Ouais, ça, c'est ouais. ça, exactement. Okay. Ben, je dois dire, en fait, qu'il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là. Il cherche vraiment à ce que ses photos ressortent quand même assez bien, malgré le fait que ce soit, en théorie, seulement du texte. Ouais. Puis... aussi, ben, il se qualifie d'artiste de rue parce qu'il n'a pas nécessairement décidé de faire ça dans la vie du jour au lendemain. C'est vraiment juste quelque chose qui a découlé par popularité parce qu'à un moment donné, il y a une des sœurs Kardashians qui a comme décidé de retweeter un de ses textes. Et là, vraiment, c'est grâce à ça que le monde a commencé à aller voir son compte Instagram et vraiment à regarder tous les textes qu'il avait déjà fait. Il y a aussi Ludacris qui a fait la même chose, qui a posté plusieurs de ses textes et c'est comme ça que la popularité lui est arrivée. Mm-hmm. Si jamais vous voulez voir certains de ses textes ou encore les produits qui découlent de ce gars-là, parce que c'est assez impressionnant, merci, vous pouvez vous rendre sur le rmdrk.bigcartel.com et là vous allez voir, c'est comme son site internet, vous allez arriver vraiment dans sa panoplie de produits. Et si jamais vous voulez voir bien évidemment ses textes, eh bien vous pouvez les voir là et vous pouvez aussi les voir sur Instagram. Comme je le disais, c'est en anglais. Oui, quand il écrit ça à dactylo, c'est plate parce que c'est difficile à effacer des caractères, un peu comme les Star Kardashian. Mais... tu peux pas les effacer facilement à moins de la mettre. Non, malheureusement, ouais. Ils s'effacent pas ceux-là, je pense qu'on... sont imprégnés dans la culture d'aujourd'hui. Ouais, dans la culture. Oh! Ouais, c'est ça. il faut aussi savoir que son premier livre, parce que c'est certainement pas le dernier, il le dit lui-même, son premier livre, Beautiful Chaos, a été le 7e meilleur vendeur d'Amazon dans la catégorie poésie. Et avec cette classification-là, ça se dit classification-là, ouais? Classement. Avec ouais, ce classement-là, hein. Ouais, disons ça comme ça, il rejoint quand même Edgar Allan Poe sur Amazon. Et on sait que monter dans la liste de la poésie sur Amazon, c'est pas easy. Ben, c'est pas easy. C'est pas easy, shit. Mathieu se trouve tellement drôle. Ouais, je sais, il est comme ça à tous les matins. Ça, il s'étouffe, c'est tout ce qu'il fait. C'est pas gag, il s'étouffe. Il est et aussi... parler très vite oui. et très aigu. Merci. Oh, aigu! Aigu, oh, en moins? Non, non, non, mais dans le sens que quand tu, c'est surtout quand tu fais l'annonce de l'émission au début, tu montes très, très haut. Bref, c'est pas pertinent. Je m'excuse, je suis vraiment un manque de pertinence présent. Attends, peux-tu le trouver où? Dans la chanson où on chante? Ouais, ouais. Ah oui, Tania, je connais tout Tania, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai l'amusant à chanter grave, je vais essayer la prochaine fois. Ça pourrait être drôle. Il faut savoir aussi qu'il est son propre étiquette, donc il n'y a eu aucune publicité qui a été faite par une maison d'édition. Vraiment, tout s'est fait par lui-même et sur Instagram. Donc, il a simplement posté à un moment donné qu'il allait avoir son propre livre. Et là, vraiment, ça l'a découlé. Il y a eu plusieurs ventes. Si jamais vous voulez vous le procurer, il est rendu en librairie maintenant. Donc, si jamais une de vos librairies ici, il n'y en a pas beaucoup là, qui vendent de l'anglais, mais si jamais vous voulez aller voir dans la section anglaise, peut-être que vous pourriez trouver ce livre de R.M. Drake. Ouais. La deuxième auteure dont je vous parle, ou écrivaine, je pense que j'ai allé plus avec écrivaine. C'est beau le mot écrivaine, oui. C'est vrai, hein? C'est Sarah Maud Beauchesne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Individuellement, chaque mot me dit quelque chose. Mais nous ensemble, non. Attends, un chêne, c'est un arbre? Non, oui, c'est ça. Oui, en effet. En fait, Sarah Maud Beauchesne, elle fait partie du groupe Les Fourchettes. Donc ça regroupe plusieurs filles qui ont comme décidé de créer quelque chose à un moment donné après leurs études à l'Université du Québec à Montréal, donc à l'UQAM, en littérature. Donc elle est montréalaise, elle vient d'ici du Québec. Elle est auteure et poète, encore une fois. Si jamais vous cherchez quelques... ou certaines de ses œuvres, eh bien, sachez que vous allez les retrouver en français et non pas en anglais, ouais. Ce coup-là. Elle a sorti un livre dernièrement, ou plutôt l'année dernière, qui s'appelle « Cœur de slutch ». Je ne sais pas si vous connaissez « Cœur de slutch », messieurs, mais je dois dire que c'est un petit peu comme des recueils de textes assez courts. C'est aussi des nouvelles. Donc, on appelle ça comme des nouvelles, mais c'est vraiment, comment je pourrais dire? C'est pas vraiment des nouvelles, là. C'est des mini-histoires. C'est pas mal ça, des nouvelles, finalement, ouais, je pense. Oui, c'est ça. C'est pas mal la définition de nouvelles, exactement. Effectivement. Mais moi, je me demandais, est-ce que ça se passe dans un dépanneur couche-tard, cette histoire de slush? Est-ce que slush, c'est S-L-O-C-H-E? Je sais vraiment pas. Oui, il y a une histoire avec, tu sais, un gros ours, là, c'est quoi les mascottes de ces slush-là? Genre, t'as pas genre... Oh, c'est pas un ours, c'est pas polar, il y a les slush poppy aussi. Il y a les polars, que c'est un ours polaire, comme vous voulez dire. Il y a les slush poppy aussi, celles qu'on veut mettre plus de jus dedans. Tu peux mélanger saveurs. Ouais, c'est ça. Comme genre Normand Bratois, c'est... Mais il faut savoir qu'à la base, le livre Cœur de Slutch était pour les... Ben, pas les enfants, mais les adolescentes. Okay. C'était vraiment destiné aux plus jeunes. Et il y a comme eu une grosse, grosse vague de jeunes adultes qui se sont beaucoup, beaucoup intéressés au livre. Et ça l'a vraiment rejoint plusieurs personnes pour l'authenticité de ce qui est écrit et l'authenticité de ses textes. Parce que je dirais que si elle décide d'être crue, ça va être cru. Puis si tu fais le cru, ben... tu vas aller lire quelque chose de cru en temps normal. Mmh. Elle se laisse vraiment aller dans tout ce qu'elle écrit. Et là aussi, vous pouvez la rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez voir certaines de ses œuvres. Parce que c'est une qui a commencé à faire comme R.M. Drake, c'est-à-dire à poster ses poèmes, disons-le comme ça, ses petits textes. Vraiment, il y en a qui sont de deux phrases seulement. Sur Instagram pour que les gens puissent avoir ce petit lien d'appartenance-là avec la personne. Et là... il va y avoir d'autres livres qui s'en viennent grâce aux Fourchettes et à Sarah Maud, dont entre autres, Je le sais pas pantoute. Okay. Et le deuxième aussi, qui est sorti, ça fait pas très très longtemps, si je me souviens bien, c'est le tome 2 en fait de Cœur de Slutch, mais il a un nom différent et le nom m'échappe. C'est pas grave, on te pardonne. Mais oui, mais je vais le trouver sur Internet là, d'ici la fin de l'émission. Je vais vous revenir avec ça. OK, d'ici la fin de l'émission, même pas de la chronique. Là. Mais non, même pas de la chronique. Là, je peux pas faire la fin de la semaine. Okay. C'est ça. Moi, je pensais que les femmes étaient capables de faire plus qu'une chose en même temps. On arrête de me dire ça. OK, là, mais je peux pas. Sans cesse. C'est correct, on te pardonne. Faut que j'avoue que présentement, ce qui se passe, c'est que la souris de l'ordinateur fonctionne vraiment mal. Des excuses. OK, bon. Donc, en fait, ça s'appelle Lèche-Vitrine, le tome 2 de Cœur de Slutch. Et il y a aussi les travaux manuels. Donc, un recueil de nouvelles érotiques sous la direction de Stéphane Dompierre qui va être en librairie aujourd'hui, 27 janvier. Hey. Ouais, donc ça sort aujourd'hui. Publicité inopinée. Ouais, ouais vraiment. Hein, c'est comme... Et par accidentel. Hein? Accidentel. Parce que tu ne savais pas. Mais inopinée, il faut dire accidentel. Je l'ai vu hier, mal, ouais, mais je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aujourd'hui. Mm. Bon. Alors, moi, je vous le conseille, même pour les gars comme pour les filles, vous allez voir, c'est quelque chose qui se lit bien. C'est de la poésie québécoise un peu, tu sais. Il y a des sacres, c'est vulgaire? Oui, il y a des sacres, ouais. Parfois. C'est cru, côté aussi, comme je le disais, ça va être un recueil de nouvelles érotiques. Donc, de ce côté-là, vous allez avoir la même chose. C'est beaucoup, beaucoup pour la génération d'aujourd'hui, là. Tu sais, la génération dans laquelle on est présentement, Internet, réseaux sociaux, puis tout ça, vous allez voir, ça tourne autour de ça. Et c'est comme ça qu'elle a créé un petit peu son... je vais pas dire son fame, là, mais... son image de marque. Ouais, exactement, son image de marque. Donc. Il faut savoir aussi qu'elle est écrivaine pour la fameuse émission Le Chalet à Vrac TV. Ah oui! Elle est une des écrivaines sur l'émission. Elle collabore avec cette émission-là. Donc, le fait de rejoindre les jeunes se fait peut-être plus facilement de ce côté-là. Oui. Fait que c'est un peu comme Like Moi, mais avec du contenu dans le ouais, fond. Exactement. Oh! Like Moi! Oh, ouais. C'est méchant! C'est une émission à sketch. Non, mais c'est vraiment drôle, là, ouais. On s'entend. Hey, l'épisode des emojis, y est-tu pas drôle? Okay. Je suis pas rendu. Ah, t'es pas rendu là. C'est douce! Ah, vas-y, nanana! La troisième écrivaine dont je veux vous parler, eh bien, elle est d'origine québécoise, elle est d'origine montréalaise, mais elle ne vit plus ici, et plusieurs la connaissent, entre autres, pour ses vidéos sur YouTube. Hein? C'est Solange te parle. Hein, Solange? Oui, Solange. Solange c'est qui, cool, Solange. En passant, ne s'appelle pas vraiment Solange. Nope. On doit le dire. Son nom est, là, je vais essayer de le dire de façon correcte, Ina Mihalas. Mihalas? Genre, ouais. Mihalas ou Mihalas, je ne sais pas trop comment qu'elle le dit. Ina Mélas, qu'on l'appelle. Mélas. Tu vas l'appeler Mélas? Hashtag Mélas? Hashtag Mélas, c'est bon ça. Okay. Hashtag Mélas, merci. Ina Mihalas, qui se dit Solange. Donc, en fait, il faut savoir que cette fille-là, à la base, elle est une actrice. Ouais. Et elle a commencé à faire des vidéos sur YouTube pour justement pouvoir se faire connaître et avoir des rôles plus facilement. Mais elle s'est donné elle-même le propre rôle de Solange. Et d'où découlent tous ces vidéos. Mais là, je vous la présente pas comme cette fameuse petite fille sur YouTube. Non. C'est bien trop mainstream, ça. Ben là, ouais, écoute, on la connaît tous pour ses vidéos. Ben, c'est la vidéo où elle apprend au français à parler québécois. Ben oui, entre autres. Ouais. Si jamais vous voulez en voir un bon aussi, c'est la comparaison des anglicismes Québec versus France. On regarde un film, on regarde Starbucks. Starbucks. En version française et québécoise. Exactement, puis elle dit que la version québécoise est beaucoup meilleure. Vraiment très on bon. Avait-tu vraiment besoin d'une vidéo pour nous dire ça? elle nous dit vraiment de ne pas regarder la version française. Jamais. Ouais, c'est vrai. Jamais. On la connaît aussi pour le fameux vidéo québécois pour les nuls. Oui, c'est ça. Où elle dépeint un petit peu l'accent québécois. Ça, c'était à cause de la... Il y avait eu une publicité d'un... je pense d'une compagnie... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une compagnie de cellulaire française, ouais. je crois. Ouais, je pense que oui. Qui est un Québécois qui arrive et qui se met à parler. Oh, ouais. Il y a le wannabe Québécois, ouais. Ouais, c'est ça. C'était assez médiocre, merci. Qui est clairement un Breton qui ont dit « Ah, oh, dis tabarnak une couple de fois, ils vont comprendre que c'est un Québécois. » Exact. On y voit que du feu. Eh bien, sachez que... Cette sœur petite, Solange, je te parle, elle s'appelle comme ça sur YouTube, là. C'est vraiment ce nom-là complet. Ouais, du coup. Elle a plus de 1,5 million de vues sur ses vidéos sur YouTube, donc quand même, de ce côté-là, le côté popularité de la chose, il est pas à cacher. Ouais. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et c'est comme ça qu'elle est arrivée à... roulement de tambour... pouvoir sortir son livre. Hey, une chance que c'est pas un album. Mais non, mais ça, ouais, ça s'appelle Solange le livre et c'est vraiment un recueil de 4 années qui se suivent. Donc, ces textes que l'on retrouve parfois dans ses vidéos, ses pensées, ce qu'elle a écrit, c'est vraiment ces textes qui se retrouvent dans un livre même. Il est en librairie présentement, ici au Québec. Il est sorti comme il y a 3 jours. Est-ce que je peux faire une suggestion? Elle aurait dû appeler ça à la place de... c'est quoi le nom du livre? Solange le livre. Ça aurait dû être Solange t'écrit, comme dans Solange te parle. Oui. Juste ça de même, opportunité ratée. Mais en fait, j'ai vu la couverture du livre. C'est vraiment comme une mini ordinateur. T'as le visage de Solange, mais en dessin animé. Et au-dessus, c'est marqué Solange. Et on dirait que la maison d'édition, c'est Solange te parle. Là. Donc, elle est elle-même aussi, encore une fois, publiée par elle-même. Donc, de ce côté-là, c'est comme quelque chose qui se fait assez souvent. Hein? On le voit du côté américain beaucoup et anglais en Angleterre, mais c'est le fun de voir que les gens peuvent sortir des livres aussi facilement maintenant. Il y a aussi, pour faire vite sur Solange, il y a le film Solange qui va sortir le 30 janvier 2016. Ça va vite, ces affaires, il me semble. Ça va très vite, ces affaires. Mais elle est une actrice. Oui. Puis elle a travaillé pour, en tant que telle. Oui. Elle n'est pas juste tombée sur la célébrité. Elle a quand même fait la bonne job avant, même qu'on commence à la connaître pour cette vidéo-là de Québécois pour les nuls. Tout à fait. Ouais. Comédienne, YouTubers. Puis je voulais présenter parce que je voulais vraiment que le monde sache qu'à la base, elle est montréalaise, canadienne, québécoise. Elle vient d'ici. C'est pas pour rien que dans ses capsules, elle parle très bien québécois. Ah quand elle décide de parler québécois, elle parle bien. Voilà. Alors, si jamais ça vous tente, je vous rappelle les 3 auteurs dont je vous ai parlé. R.M. Drake, qui est simplement en anglais. Sarah Maud Beauchesne, qui est québécoise. Vous fait voir Cœur de Slutch. Aujourd'hui, il y a ses chroniques nouvelles érotiques qui sort. Et si je me souviens bien, il n'y a pas vraiment de titre au livre. Ben, ça s'appelle Travaux manuels. Ouais. Et il y a aussi Lèche-vitrine, qui va sortir le 25 février. Et le troisième, eh bien, c'est Solange te parle. Le livre s'appelle simplement Solange. Simple comme ça. Merci, Tania. Oui. Et puis, j'ai même une pièce musicale. Oui, je sais, j'entends ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Eh bien, en fait, on va écouter Major Lazer. Puis, je trouvais que le titre rejoignait vraiment les trois parce que le titre s'appelle Too Original. Oh. Alors, beaucoup d'originalité de ce côté-là. Et c'est ce qu'on aime lire bien souvent, de l'originalité. Tania Scorantiti! Yeah.

Puis c'est très clair dans la lettre qu'on accuse absolument personne puis qu'on considère que tout le monde était de bonne foi là-dedans. Ah oui, ça a été dit aussi hier lors de la chronique du Zone Campus. On vous l'a mentionné. Absolument. Effectivement. C'est ça, il faut être attentif des fois. Donc, jeudi 13h pour ton émission. Jeudi 13h. La sortie de secours est à votre gauche avec Luc Haïba. Oui. Merci beaucoup. On écoute une petite pièce de Cage the Elephant et après ça, on va revenir avec une petite chronique sur le carnaval étudiant et après ça, Cathy Ève Côté va être avec nous pour la chronique Google Globe en remplacement de Frédéric Bernard. Mais pour l'instant, voici Cage the Elephant et la pièce Mess Around à Assemblage Rocky sur C'est Fou. Elephant avec la pièce Tell Me I'm Pretty. Au retour, deux choses, Carnaval étudiant 2016 et Cathy Ève Côté avec Google Globe. On reste là, ça va être vraiment bon ça. Oui. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Rocky, ce mercredi 27 janvier 2016 à Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, et c'est le moment de parler avec Mélina du Carnaval étudiant à l'UQTR 2016. Bonjour à toi. Bon matin. OK. Avant de parler d'aujourd'hui, revenons sur hier un oui, peu, oui. Comme on aime le faire. Qu'est-ce qui s'est passé hier mardi? Hier, on avait une journée à l'extérieur en majorité. On a commencé avec les sculptures à l'extérieur. Encore impressionné, pour de vrai. L'originalité. L'originalité, la couleur. Kiro, il y avait une fermette, il y avait même des jouets de chien. Mon chien a le même, un petit cochon. Ah oui, j'ai vu ça sur les photos. Ouais, ils sont vraiment... Il y avait une vache en arrière avec tous les détails. C'était, à chaque année, il m'impressionne. Puis c'est c'était excellent. On a eu les hippies. Ah. Ils ont fait la petite van Volkswagen. Là. Ouais. Bon, on a eu droit à ça, coloré aussi avec le logo, le crest en avant. C'était pour de vrai, à chaque année, je suis très impressionnée. La couleur, c'est beau, l'air des Patriotes aujourd'hui. C'est coloré, ouais. On va dire ça comme ça. C'est resté encore aujourd'hui, donc on peut les voir. Oui, exactement, on peut aller voir, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a fait des mauvais coups hier soir, là, mais sinon, c'est censé être encore là. La boisson serait censée être fois. Voilà. Par la suite, on avait les jeux gonflables dans les gymnases du CAPS. Ouais. On avait un jeu de wipeout, l'éliminateur. Là, on est 6-7, la grosse, là, ça tourne, il faut sauter, il faut que tu te penches. Puis il y en a qui m'ont impressionné. Oui, honnêtement, là, des athlètes, mesdames et messieurs. des gars, ça saute haut, puis c'est flexible, pas mal plus qu'on pense. C'est assez impressionnant. Après, on avait le bain de neige. Ah oui. Oh, oui! Partenariat avec Vidéotron, cette année, on avait le générateur de GIF. Oui. Donc, ça a apporté comme un petit quelque chose d'être en maillot puis en bobette là-dessus. Là. J'ai bien hâte de recevoir ça aujourd'hui puis de pouvoir partager ça avec les participants. Parce qu'avoir les preuves photos de cet événement-là, c'est cool, mais avoir les preuves photos animées de ça... Oui, c'est encore plus parfait. Puis ouais. Les gens à déguiser aussi, fait que ça avait pas juste les accessoires que Vidéotron avait apporté, c'était vraiment... Ils ont eu des prix aussi. Ils ont apporté des billets pour les Gloufesses. Ah, j'avais wow. deux paires de billets pour les Gloufesses à part tirer à ceux qui se donnaient un peu plus dans le GIF. Fait que l'ambiance dans le 10-12 était animée. Ouais. On va dire ça comme ça. Des gants bobettes courent partout en criant, en se tapant sur le chest. Là, il y en avait par dizaines. après ça, on avait la course de bolide à l'extérieur. Les boîtes à savon qui étaient jugées selon la distance, selon la vitesse, selon l'originalité. C'est eux qui ont supposé leur véhicule eux-mêmes avec les objets qu'ils voulaient. Oui, oui. Évidemment, il y en avait toujours des plus originales que d'autres. Il ouais. Y en a qui gardent le même concept à chaque année, mais qui le modifient selon leur thème. C'est plate, ça. Ils gardent leur véhicule dans le local, genre, puis le... Ben, je vais prendre la SK comme exemple. Ouais. Ils ont un tonneau bleu, là, tu sais, tu peux utiliser pour ouais. décaler sur l'eau, là. Ils utilisent juste ça comme base ouais. pour embarquer dedans, mais à chaque année... Il modifie. Fait que oui, c'est la même base, mais à chaque année, à un niveau de plus. Okay. Mais ils savent que ça glisse, puis ça se rend loin, puis ça va vite. Fait qu'ils ont leur point. Tu peux plus gagner que les autres. Et peut-être. Voilà. Parce que t'as pas besoin de recommencer à zéro. Ils ont comme leur petite sécurité, mais qui pousse le concept un petit peu plus loin à chaque fois. Fait que c'est. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est comme une façon de challenger les autres. Ouais, on regarde nos vieilles patentes, ils marchent, ouais, on les garde. J'ai eu droit à un John Deere. John Deere? Ah oui. Dans carton, bien évidemment. Ouais. Les campagnards nous ont fait, c'est ça, la couleur, la pelle en avant qui ramassait de la neige. C'était, wow. c'était parfait. Après ça, on a eu les défis T'es pas game. Ouais. Ça, c'est, ça a fait jaser. Ça a fait jaser. C'est difficile, les défis T'es pas game. On essaie de rester dans le respectueux, mais pour le show, c'est difficile. Évidemment, on donne des défis aux gens, ils doivent les relever, sinon ils doivent boire, c'est quoi? Non, non, il n'y a pas de conséquences, on en fait. C'est, on y va par élimination. Okay. Cette année, c'était un assaut contre l'autre. Des fois, c'était une ou deux personnes, puis on faisait voter le public. Lequel des deux défis était le mieux réussi. Après la première vague, ceux qui avaient gagné, on les rapportait, puis c'était... ils se challengeaient l'un l'autre. Fait qu'ils se donnaient un défi. Écoute, on a eu des choses vraiment dégueu, comme on a eu des choses qui étaient juste... très très drôle, mais le monde se donne. Honnêtement, là, iMoom, là, tu sais, les médecins, ils savent les bactéries. Là, moi, je me serais pas mis un pied dans la bouche au complet. Là, ouais, ok. Ouais, on va voir des photos, ça va sortir aujourd'hui, possiblement, sur les réseaux sociaux. On entendait d'ailleurs hier, parce qu'on avait mis le micro sur le terrain, en fait, pendant l'émission des Palmarès, c'est fou. Puis on entendait toute l'ambiance qu'il y avait à la chasse-galerie. Et la pratique de Louis-Jacques Cormier en même temps, c'était vous aviez un mix des deux, parfait. Ouais. Le micro magique, c'est comme ça que ça travaille. C'est le micro magique, ça sert à ça. Hein? C'était notre reporter sur le terrain. Les dessous de la radio. Après ça, on avait le lip-sync battle. Oui. Une nouveauté cette année. Je sais que la première équipe qui a passé, on avait un petit problème technique avec le speaker. Ils ne s'entendaient pas sur le devant. Ça n'a pas paru pantoute. Ça a vraiment bien été. Le monde a embarqué les costumes, les chorégraphies, le airband en arrière. Ça a mis de l'ambiance, c'était le fun, une nouveauté qui, je crois, est à refaire. Ben oui. Je pense que ça a été apprécié aussi pour le show, c'était plaisant. Puis ça a été comme une bonne transition vers le show de Louis-Jean Cormier aussi en soirée. On a eu un petit délai entre les deux. Par contre, ça a laissé le temps aux gens de décompresser, de prendre un break, manger. Puis après ça, il est parti sans force pour une heure et demie de spectacle. Cool. Ça finit tard, ça? Pas tant que ça, je te dirais. À 11h20, 11h30, là, le 10-12, on commençait à quitter. puis ça nous a permis de nettoyer, de partir, ouais, puis d'être en forme aujourd'hui pour notre grosse journée du mercredi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mercredi? Ce matin, Café Belaise encore et toujours dans le 10-12 avec ASK ce matin. Jusqu'à 10h30. Jusqu'à 10h30. De 10 à midi, c'est le circuit athlétique au CAPS. C'est Isabelle qui donne des cours de groupe, qui installe un circuit. Il y a un horaire sur la page Facebook avec les assos, savoir à quelle heure qu'il part, parce que c'est un départ à chaque 15 minutes pour être sûr qu'il n'y ait pas un moton puis que ça retarde le tout. Par la suite, de midi à 2, cours de danse country avec une prof de danse professionnelle. Donc, on passe à un niveau supérieur cette année. C'est vraiment... ça va être quelque chose, ça va vraiment être le fun. Danse en coupe, danse en ligne. On va passer partout. On va voir qu'on peut danser sur du Avicii, de la danse country. Par la suite, hippopotame affamé. Un petit rappel, une explication, c'est quand on était jeune, les petits jeux... Les Hungry Hippos, c'est oui. Ça, c'est parce qu'on le dit en français. Oui. Mais pas de choix. C'est ça, voilà. Mais on le fait humain. Donc, les gens vont être sur des planches qui roulent avec un casque, ouais, panier à linge dans les mains, dans le 10-12, ils vont être quatre assauts contre l'autre. On se rend au centre, dans le fond, on se fait pousser. L'assaut doit nous rapporter en tirant sur la corde. Puis nous, avec le panier, il faut rapporter le plus de balles possible. Wow. Il y a des balles qui valent des points. Des balles qui valent pas de points. Puis je pense qu'il y a une balle d'une couleur qui vaut un million de points. Fait qu'il faut se battre puis faire attention aux cocoboons, là, parce que ouais, c'est un peu dangereux. Mais sinon, ça aussi, ça vient de Drummondville. À chaque matin, je vous apporte une. C'est quoi les cocoboons? C'est quand tu te cognes la tête. Ouais, clairement. Ça fait cocoboon. Ah, aïe, aïe. Ouais, fallait que je me tape dans le front pour te le mimer. Merci. On l'a entendu en plus. Et voilà, parfait. Ouais. Après ça, on y va avec le buffet. OK. Notre seul repas de la semaine. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais c'est presque vrai. C'est presque vrai. C'est qu'on prend le temps de manger. On va dire ça de même. Okay. Les assos nous préparent des petits plats. Ils ont des critères à respecter, un plat salé, un plat sucré. Ah oui. Puis on a la juge du restaurant L'Éléphant et du. À la fois la propriétaire du resto L'Éléphant et du café Frida. Ben oui. Mm-hmm. Qui apporte. Gabrielle Truc Patente. Truc Patente, exactement. Elle nous apporte des certificats cadeaux aussi à faire tirer à ses coups de cœur pour le restaurant L'Éléphant. Donc, c'est pas juste les juges qu'on nourrit, il faut essayer de gagner une vraie de vraie... compétition culinaire. Et oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Après ça, départ du pavillon étudiant en face, on a des autobus, on s'en va au Colisée pour le match des Pats. Ben oui. Contre McGill ce soir, donc ça va être le une... match de l'année. Hein. Ça va être une grosse partie. Pendant ce temps-là, à 20h, départ pour le rallye de nuit, qui s'est fait dans le hall d'entrée entre Ringuet et Albert-Tessier. Puis, à 21h30, au retour de la game des Pats, bien évidemment, on va attendre les participants si la game se prolonge, parce qu'on le sait, compétition, ouais, des fois, McGill, prolongation, souvent, et c'est ça. Fait qu'on va s'ajuster en fonction de Beer Fest ce soir avec... Beer Pong, Tommy's, puis Flip de Cup. On a 3-4 activités. Les non-participants sont les bienvenus. Au coût de 5 $, on va avoir des tables pour pouvoir jouer. Le bar va être ouvert aussi jusqu'à 3h. Puis on a un DJ. Oh, wow. Okay. Fait que c'est une grosse soirée, ce soir. Il manque de rien. Il manque de rien. On est dans le jus aujourd'hui. La liste est sortie aussi pour le jeudi matin. Elle est sortie, elle est sortie hier soir vers 19h, 19h30. Puis on a jusqu'à demain 10h pour aller récupérer tous les articles. Un Game Boy Color, j'ai vu ça sur la liste. Puis un troll. Un troll. Merci Milna. Ça me fait plaisir. On te retrouve demain pour une dernière petite capsule sur le carnaval étudiant 2016. On se voit demain. Merci. Merci. Maintenant, on passe subtilement d'une fille à une autre. En fait, c'est aujourd'hui, je suis avec mon harem féminin. Ouais, donc, vraiment. On reçoit Cathy Eve Côté et Google Globe. Côté est en remplacement de Frédéric Bernard aujourd'hui pour Google Globe. Bonjour à toi. Salut, ça va? Ça va très bien, c'est le fun. Enfin, c'est la première participation officielle de Katiev. Oui. Que des fois, tu sais, je sais que Tania a une fois teinte en blonde de l'air russe. Et moi, je trouve que le nom Katiev. Katiev! C'est vrai, ça fait Katiev! Très, très russe. Ouais, les enfants, ils disent comme ça en plus. Katiev. Ouais. Katiev! Tout d'un goût. Et voilà. Ouais, c'est pour ça. C'est chic. C'est la première fois qu'on me le dit. Ah ben. C'est tout nouveau.

stuck here missing you. I'm tearing up my list for you. Something about this picture is not right. Hey to Bruce et Hey Blue à Assemblage Requis. Maintenant c'est son foutu palmarès. Jusqu'à ce que je tombe sur sa palmarès, c'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, étant donné qu'on a parlé de nourriture et de choses mangeables comestibles avec Katiev Côté dans la chronique précédente, on se fait la liste des 11 façons que les annonceurs publicitaires ont pour rendre la nourriture délicieuse. Intéressant quand même. Donc les publicitaires, les agences publicitaires, la nourriture, quand on regarde les publicités, ben ça ressemble rarement à la vraie nourriture. C'est vrai. Un hamburger, entre autres, je pense que c'est les exemples les plus évidents de nourriture qui ne se ressemblent pas du tout. En fait, plusieurs sites sur le web ont parlé de publicité qui avait l'air fake un peu. Ben c'est normal parce qu'on utilise des choses qui sont complètement fake pour le faire, donc ça se peut que vous le remarquiez un peu. Mm-hmm. C'est presque Frankenstein comme substance des fois. Bref, on commence avec de la colle. Le vrai lait rend les céréales très très molles et pas trop appétissantes assez rapidement. Donc la colle blanche, du yogourt ou du shampoing ont été utilisés pour rendre les céréales plus appétissantes. C'est vrai. Évidemment, du yogourt plus quand quelqu'un va devoir manger les céréales après. Hein. Ah, c'est ça. Ensuite, des éponges, des boules de coton et des tampons. C'est important pour de la nourriture chaude d'avoir l'air chaude et la façon de faire ça, c'est de montrer de la vapeur qui sort de tes aliments. Donc à la place d'arrêter à chaque quelques secondes de filmage, hein? Pour faire réchauffer encore la nourriture, les photographes vont souvent tremper ces choses-là dans de l'eau, passer ça les choses qu'on a dit tantôt, éponge, boule de coton et tampon, dans de l'eau, passer ça au micro-ondes et cacher ça derrière la nourriture pour que ça passe, ou devant, si tu cadres correctement, pour que ça fasse de la vapeur. Mm. Ensuite, une torche. Une torche? Hein? Et puis du polisseur à souliers et okay. Un fer pour marquer les vaches, entre autres. Donc, la plupart du temps, les produits de la viande ne sont pas cuits parce que cuire, ça peut faire que ça va rapetisser et sécher. Oui, c'est vrai. Donc, des steaks et des hamburgers vont souvent être cuits avec une torche, donc juste le côté de la viande. Et on va ajouter des marques de grill avec un fer, un branding iron qu'on appelle, donc un fer pour faire des marques. Et comme touche de finition, un petit peu de polisseur à souliers ou du vernis va être appliqué pour donner une couleur succulente. Mais mousse, j'y avais jamais pensé. C'est fort, hein? Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com dans l'article qui s'appelle 11 Ways Advertisers Make Food Look Delicious, où on montre à des enfants comment faire justement ces trucs de viande-là dans les publicités pour leur faire comprendre que le marketing, c'est pas nécessairement tout le temps véritable. Ensuite, en quatrième, c'est du carton et des cure-dents. Même si tu pouvais passer par-dessus le goût du polisseur à souliers qu'on a décrit précédemment, un burger prêt à être pris en photo serait quand même déplaisant parce qu'ils sont souvent chargés de carton pour le soutenir, faire tenir la viande en place, et des cure-dents ou des pins, des... comment dire, des pas des punaises, mais c'est des petites des aiguilles. Voilà. Oui, des aiguilles. Ah, c'est le mot que je cherchais. Stratégiquement placées pour garder la laitue, les oignons et le reste dans l'emballage. Évidemment, correctement placées. Ensuite, de l'huile à moteur et du protecteur à tissu. OK. Donc, une belle pile de crêpes, ça peut être quelque chose de très, très beau, mais des fois, c'est plutôt poreux. Donc, le sirop va... Vous savez, quand vous mettez du sirop, ça absorbe. Et là, tu rajoutes d'autres sirops dans mon cas. Ouais. C'est ce que tu fais par-dessus. Donc, les photographes vont résoudre ce problème-là en mettant une petite couche de protecteur à tissu en aérosol. Hein? Et étant donné que le sirop d'érable n'est pas toujours beau à la caméra, on va utiliser de l'huile à moteur à la place du sirop d'érable. Oui, ça, je me souviens, j'avais déjà entendu ça. Ouais, on a tout entendu des bribes de ces trucs-là, mais les avoir dans une liste complète, c'est vraiment bien. Ensuite, du spray pour les cheveux et du spray désodorisant. OK. Hein? Donc, des raisins délicieux dans une publicité, c'est tout mât, hein, tout joli. C'est parce qu'on a rajouté du spray dessus. Mm-hmm. La glycérine maintenant. Si le produit est froid ou glacé, c'est sûr que la version télévisée va être couverte de glycérine, une substance utilisée sur la nourriture pour les faire briller, les rendre lustrés si on veut, donner une apparence d'humidité ou de ben, humides, dans le fond, les petites gouttes d'eau, là, des trucs comme ça. Donc, sur des bouteilles de bière, par exemple, ou sur des feuilles de salade. Ensuite, toujours dans la liste des façons que les publicitaires vont faire que la nourriture a l'air délicieuse, des serviettes de papier, donc des serviettes, des napkins, des Scott Towel. Hein? Donc, si t'as déjà pris un bol de crème glacée, que t'as mis du sirop au chocolat dessus, et là t'as vu tout ça tomber sur les côtés de la crème glacée, ben tu vas comprendre pourquoi on utilise des serviettes de papier. Les photographes vont couper de petits morceaux de serviettes de papier, vont les mettre sur le dessus de la crème glacée, et ensuite vont couvrir la serviette de papier avec le sirop. Ah, okay. Donc, crème glacée, serviette de papier, sirop. Apparemment, ça fait du très très bon travail pour garder le sirop en place. Ensuite, la nourriture qui fait que d'autres nourritures ont l'air plus belles. Oui. Donc, c'est le joueur de service, le Most Valuable Player, le MVP de l'installation culinaire. C'est la patate pilée. Donc, les patates pilées qui sont utilisées pour plein d'autres choses, esthétiquement parlant. On va mettre ça dans des seringues. OK. Et on va injecter ça dans la viande pour la grossir un petit peu. Ah, ouais? Grossir un bout de dinde ou de rôti, de viande, quelque chose comme ça. On va teindre les patates pilées de différentes couleurs et les utiliser pour jouer le rôle de la crème glacée aussi. Ah, ben oui. Et on va les faire cuire. On va faire cuire les patates dans des tartes pour donner un intérieur solide qui ne se défera pas en morceaux lorsqu'on prend une pointe de tarte dans une publicité. Ouais. Avoue que ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est vrai, j'avoue. Une tarte aux patates pour jouer le rôle d'une tarte. Ouais. Ben, aux fruits, ouais, ouais. Aux pommes, ouais. Ensuite, toujours dans la liste des produits que les publicitaires utilisent pour rendre la nourriture plus appétissante, les antiacides et les bulles de savon. Donc, la liqueur, la boisson gazeuse, n'a pas l'air si rafraîchissante sans son abondance de bulles. Une petite tablette d'antiacide va typiquement faire plus de bulles. On va aussi utiliser du savon à vaisselle pour créer de plus grandes bulles à la surface. Ben oui. De la boisson gazeuse. Et ce palmarès, c'est des pinces, des tweezers, des pinces à sourcils. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on crée les détails spécifiques à ces photographies culinaires-là? Par exemple, un pain à hamburger, on va méthodiquement couvrir le pain de ses graines de sésame pour avoir une répartition égale de graines de sésame avec des pinces à cils. On va utiliser de la colle et beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Les pinces tweezers sont aussi utiles pour assembler des plats d'origine asiatique ou italienne, donc basés sur des nouilles, avec le placement, la forme, les courbes de chaque nouille qui vont être disséquées. Comment est-ce qu'on dit le verbe? On va disséquer, voilà. Disséquer, oui. juger et placer les choses au détail près de façon super méticuleuse. Ouais. Comme on fait, évidemment, à la maison, avec exact. Un bon petit repas. Une pâte al dente placée exactement sur le coin. Moi, je sais des fois, ben avec oui. mes mains. C'est grosso modo, là. Grosso mettons, modo. Parce que j'ai un petit micro-ondes qui est la oui. grosseur de mon assiette. Puis des fois, les pâtes dépassent. Fait qu'avec mes mains, je vais un petit peu ramasser les pâtes. Je me sens vraiment comme une agence publicitaire, un chef. Master chef, voilà. Ah, moi et Gordon Ramsay. Pareil. Voilà, c'était la liste de 11 façons que les agences publicitaires utilisent pour rendre la nourriture plus appétissante. Et ça nous a amené exactement à la fin de l'émission. C'est pas merveilleux, bon? Ça? À la seconde près, je te dis, il est ennemi depuis comme 3 secondes. On est en feu. Je n'en reviens pas. Voilà, c'est là-dessus que se termine une autre édition d'Assemblage requis. On remercie Cathy F. Côté. Oui, Katchev. Qui était avec nous tout à l'heure. Tout à fait, Madame Larusse Katchev. On remercie aussi, il y avait Sébastien Guertin aussi aujourd'hui. Oui. Avec sa chronique bulletin Guertin. On remercie... Mélanie? Mélina, voilà, pardon. Du Carnaval étudiant UQTR 2016. Je pense que c'est pas mal tout pour l'émission d'aujourd'hui. Demain, on sera jeudi, donc on va avoir une grosse pointe en dresse, bien sûr, à 8h30 environ pour goûter à des produits du commerce. On parle tout le temps de bouffe. Hein? On a Gabriel Béot qui va être là en participation spéciale à 9h demain pour parler du match qui s'en vient au 10-12 jeudi à 16h dans le cadre du Carnaval oui. étudiant. Je vais l'animer d'ailleurs, ce superbe match d'improvisation. Donc jeudi à 16h. Aussi demain, Mélina va être là pour parler du carnaval. Et on vous rappelle que ce soir, c'est le match McGill contre les Patriotes de l'UQTR. C'est à 19h exactement au Colisée. Donc, si jamais vous n'êtes pas nécessairement étudiant, mais que vous voulez y aller, c'est possible pour vous quand même, sachez-le. Et ça va être tout un match. Tout à fait, il y a un autobus, qu'on le disait tantôt, qui va vous amener oui. à ce match-là au Colisée. Si jamais vous êtes étudiant, pour le carnaval, il y a des navettes. Absolument. Donc, le match, c'est ce soir. Et puis, sinon, on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Restez sur nos ondes plus tard. Aujourd'hui, bien sûr, le dîner de con va être là avec Danny Janvier. En fait, c'est Danny qui va être là avec le dîner de con plus que le con. Plus que le dîner de con avec Danny. Ensuite, à 15h, je vais être de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Et puis, à 17h, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique. Mais dans quelques instants, à 10h, un petit peu moins d'une demi-heure, c'est le début de Compte à rebours, l'émission de compte traditionnel. Donc, surveillez ça sur nos ondes. Ça commence aujourd'hui à 10h. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Merci Tania Baudin. Merci Mathieu Plante. Et on se retrouve demain à 6h30. Bye, bon café. Bon café.